Exact. Il dit ça parce qu'il y a Épicure juste derrière la caméra. Épicure lui-même. Qui est là. Oh, Aristote, ça va ou quoi, mec? Allez, pour... Platon. Yes. Tablement 5, Platon. Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Franquette. Bonjour. Le meilleur. Bonjour. Le meilleur podcast de l'univers et bien plus encore. Toujours. On le rappelle on toujours. On est toujours en top des charts là. C'est on est bien au-dessus. Bien du top au-dessus. Des charts. Par exemple au niveau on est de. Les charts nous-mêmes, hein. On est numéro un mondial là. On est universel. On est top universel monde. Oh nickel. Donc plutôt une belle perf. Merci. Aujourd'hui on est de nouveau. Plus... Comme à l'accoutumée. Ouais, on est plus que deux, encore une fois, puisque nous accueillons aujourd'hui la délicieuse et talentueuse wow. Lisa. Lisa. Pas Lisa Monet, attention, ah, ceux qui ont écouté le dernier épisode. C'est... Voilà. C'est pas elle. Finalement, on a trouvé une photographe talentueuse plutôt qu'une rappeuse ratée. Oh, waouh. Non, Lisa Monet... Si gros, tu nous écoutes, gros big up à toi. Gros big up à toi. C'est une blague, bien évidemment. C'est pas facile d'être une femme dans le rap en France. D'ailleurs, c'est pas facile d'être une femme tout court. Oui. Donc, continue de bosser. Donc, du coup, on est avec Lisa Lehmann. Lisa Lehmann photo. Talentueuse photographe, s'il en est. Alors, merci. Lisa Lehmann, qui es-tu, d'où viens-tu? Et surtout, mythe ou réalité? J'ai 20 ans, je viens de Strasbourg, je suis née ici et je fais de la photo. Waouh! À part ça, je vais commencer un service civique dans le cinéma et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai commencé à me servir, mais on entend, non? Ah oui, énormément. C'est sûrement à cause du micro de Lisa, je pense. Bah super. Mais ça c'est l'eau, ça fait un de ces bruits l'eau. Ouais. Moi, j'ai pris du cola. Toi, Lisa, je crois que t'as pris juste du thé. J'ai pris du thé sans marque apparente, c'est ça? J'ai pris du thé, ouais. Ouais, du bon thé. Il est froid, non, ce thé? Il est frais, mais c'est agréable. Même glacé, non? On pourrait dire du thé glacé, peut-être. On peut le dire, ouais. Mais... Ça ressemble c'est à du iced tea. Oh, merde. Oh, je l'ai dit. Oh, zut. Oh, non. Mince. Ça, alors... Oh là là, mince. C'est... Faut dire plein de marques, c'est ça, maintenant? C'est la remontada, là. Ça n'a rien à voir avec une remontada. Du coup, Lisa Lehmann, tu fais des photos, tu viens de Strasbourg. Mais elle n'a pas répondu à la question mythe ou réalité. Comment ça? C'est pas avancé pour toi. C'est la réalité. Ah, c'est la réalité? Ah. Oui. Ok, bah, je suis rassuré, alors. Ouf, c'est bon. Vincent. Oui, j'ai un jeu. Ah. Car c'est le jeu qu'on a commencé, enfin qu'on fait à chaque épisode depuis la semaine dernière, ouais. Donc qu'on a fait une fois quoi, qui s'appelle donc Rap ou pas Rap. C'est l'anniversaire de c'est l'anniversaire du concept. Ouais, du concept, ouais. Du coup, on peut chanter Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Rap ou pas Rap. Joyeux anniversaire. Rap ou pas Rap. Joyeux anniversaire, rap ou pas rap, spécial Booba. Joyeux anniversaire. En plus, ça sature de ouf, je suis dégueulé. Hein, ça sature, tu dis? Ah, quoi? Non. Attends, non, t'as vraiment fait. Parce que on découvre avec vous, c'est lui qui s'en occupe cette fois. Et t'as fait Booba, c'est. Oui. Incroyable. Je me suis dit. En fait, comment. T'écoutes comment, que cet artiste. Non. Si, je me suis dit comment ramener le concept à son plus haut niveau. Autrement qu'en faisant une spéciale Booba. Et du coup, je rappelle les règles. Si on trouve rap ou pas rap, c'est 1 point. Si on donne le titre, c'est 9000 points. Yes, aïe. C'est pas 0,5. Si on trouve l'artiste, c'est 0,5, je crois. Hein. Ah oui, là, c'est plutôt facile. Ah non, parce que ça peut être Booba. On peut pas mettre 2 points, en fait. Ça peut être Booba ou autre chose. Ok, vas-y. Oui, mais est-ce que tu t'y connais beaucoup en Booba? Bah non. Ouais, elle le saigne pas. Non, pas du tout. Ouais, non. Mais c'est des trucs que toi, t'auras pas forcément non plus. T'aurais pas pu faire un rap ou pas rap spécial Lord Esperanza? Ou spécial Nekfeu? Franchement. Ou juste comme ça. Ouais, mais là, c'est parce que c'est des punchlines marrantes. C'est ah, bon. Mais il y en a aussi. Est-ce qu'on peut prendre... C'est vrai. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour regarder ce chat, là? Qui tend les pattes. Voilà. Allez, on a pris 2 secondes. C'est bon. Alors, la première, c'est... Alors je leur montre que j'ai réussi, Je me suis vengé, ils peuvent rien faire, ils peuvent que jacter. Si, je l'ai déjà, j'allais dire jacter. Déjà, première question, c'est rap ou pas rap? Le jacter, ouais, il fait, moi, il fait rap. C'est rap. C'est rap. Bien joué. Du coup, attends, non, mais... Il n'y a pas de point coup, si on... A... Parce que vous l'avez dit tous les deux, vous avez trouvé. Enfin, mais il donc... n'y a pas de point si on trouve que c'est du rap. Ah ouais? Non, je crois. Ah, je ne savais plus. Je croyais que c'était un point, ça. Du coup, là, vous auriez un point tous les deux. Bon, bah écoute, partageons ce point. Bah oui. Allez, ok, un partout. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire de qui ça vient? Je sais pas. Mais j'allais dire, le jacté, il fait pas Booba, mais en vrai, je l'ai déjà entendu dire ça. Donc, franchement, je ne sais pas. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Alors, je leur montre que j'ai réussi et je me suis vengé. Ils peuvent rien faire, ils peuvent que jacter. Alors, je leur montre que j'ai réussi. Je sais pas, non. Non, franchement, non. C'était Arouf Gangsta. Ah, encore lui. Le plus beau de tous les rebeux. Tu connais Lisa qui, non, là, ça me dit qui, rien. Meslim91, qui d'ailleurs, malheureusement, s'est fait hagar. Ouais. Par un livreur de pizza. J'ai récemment, vu on est ensemble à Roof Gangsta. Continue tes stories, continue de croire en tes rêves. Et voilà, il n'y a pas de souci. Continue de niquer des mères. On est là, frérot, on est ensemble. Attends, ça, c'est pas bien, ça. Non, mais attends, mec, il s'est fait défoncer par un livreur de pizza. Genre, c'est, il fait des stories sur Snapchat. À quel moment tu prends ça sérieusement? Si tu prends ça, si tu prends des insultes virtuelles lancées par un gars qui fait des stories toute la journée sur Snapchat pour du vrai, mec, t'as vraiment un problème. Hein. Si ça, ça te choque, putain. Clairement. En plus, le mec, il l'a... Attends. Incroyable. Il l'a réveillé pour aller lui casser la gueule. Il l'a bloqué contre un mur et tout. Mais c'est quel genre de gars, ça, tu vois, c'est... Ouais, c'est terrible. Et le pire, c'est que après, c'est sorti sur les réseaux et le gars était fier de lui. Mais c'est incroyable. Et des gens sur YouTube font des débats du style est-ce qu'il a bien fait de lui casser la gueule ou pas? Mais non, mais enfin, j'ai juste... c'est le livreur de pizza qu'on devrait retrouver, en fait. C'est pas Arouf Gangsta. Arouf Gangsta, il fait... Ok, il est... Ça peut être très ennuyant, je suis d'accord, mais il mérite pas qu'on lui casse la gueule. Enfin, je comprends pas. Je sais pas. Grandissez, concentrez-vous, les gars, il y a un truc qui va pas là-dedans. Alors, suivante. Alors, la prochaine, c'est si tu me vois enculer ta dinde, ne crois pas que je fête Noël. Waouh. Waouh, wow, directement. Et c'est des. Ne crois pas que je fête Noël. Ici, c'est Paris, fuck l'OM, c'est ça, non? Je crois que c'est ça, ouais. Et est-ce que t'aurais le titre? Là, pour l'instant, t'as 1,5 points. Alors, est-ce que c'est Abracadabra? Non. Est-ce que c'est... Putain, je la connais en plus. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à la fin, on va retenir le nombre de points qu'on a? Ouais, oui, là, pour l'instant, vous avez un tous les deux. Lui, il a gagné 1,5, là. Et s'il trouve l'artiste, il a plus 9000. Je le rappelle. L'artiste le titre. Bah, j'ai plus 9000, puisque c'est Booba, en fait. Non, c'est Lady. Non. Le titre. Alors, si tu me vois enculé ta dingue. Putain, je sais plus, que... je la connais, mais je sais plus ce que c'est. On a qu'à dire que tu l'as pas. Je l'ai pas. Ok, donc t'as 2,5 points pour l'instant, Lisa 1, et c'était Jour de paix. Oh putain, en plus elle est tellement connue. Si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Bang! Bang! Ah non, non. Fameux Booba. La connais, ouais. Alors attention, ma descendance est morte dans un rouleau de sopalin. C'est un truc à la Lorenzo, ça. À la Valde ou je sais pas, mais c'est... Non, rap ou pas moi rap? Moi je dis pas rap. Non, alors, pas rap. Non, moi je dis rap, mais pas Booba. Parce que ça peut être moi aussi, hein, qui a écrit des trucs. Ah mais attends, ça tu l'as pas précisé. Bah ça peut être bah, rap ou pas rap, c'est ça, hein. Le pas rap c'est forcément moi. Donc on peut inventer des lyrics? Bah oui. Bah non, le pas rap ça peut être un artiste de variété par exemple, comme j'avais sélectionné ah, Johnny, tu vois. Ah ouais, c'est vrai ça. Bon bah attends, mais c'est le pire anniversaire. Ne laissez pas Vincent organiser l'anniversaire de vos enfants, c'est, ça va ouais être... mais les punchlines sont là, vous verrez. Ah oui, ma descendance est morte dans un rouleau de sopalin. Waouh. Grammy Awards direct. Bah du coup pas Booba vous dites? Ouais. Moi je dis pas rap quand même. Pas rap, pas Booba. Eh bien c'est Booba et c'est du rap du coup. Et c'est dans quoi? C'est dans Easy Money. Putain, c'est marrant, j'aurais... Je m'imagine pas Booba rapper sur le fait de se masturber. Ok, bon, pourquoi pas. Alors attention, je suis plus dangereux qu'un Mazenko. Référence à... Non, je suis plus dangereux qu'un Kamehame, et c'est dans Carmel. Ouais. Merci. Bien joué. Merci. Mais beaucoup. Du coup. Mais... Putain, il a retrouvé la vraie punchline, trop fort. Yes, I. Et du coup, ça, c'était de moi. Mais franchement, elle était bien. Attends, qu'est-ce que t'as. Je suis plus dangereux qu'un Mage and Co. Qu'un Mazenko. Ok, le Mage and Co, c'est quoi? Le Mazenko, c'est le... Oui, l'attaque le... de. Ouais, mais le... Ah non, ça c'est le Makanko Sapo. Non, c'est le... la... je crois que c'est l'attaque de Sangohan. Mazenko. Ouais, c'est ça. Le rayon magique. Rayon magique. En français. Mais c'est quoi le Mage Enko? Je me suis dit une petite référence au jeu un peu de rôle et tout. Mage Enko, genre. Ah, les rôles fantasy, ton et genre préféré. Compagnie. Voilà, exactement. J'adore, j'adore ça, moi. il déteste. En je suis réalité. Un gros geek. Il a jamais regardé Game of Thrones, quoi. Quoi? Qui? Qui a? Non, moi, clairement. Alors attention, je suis pété de thunes, pas pété d'air, sa mère. Ça pas pété d'air, sa mère, ça sonne pas où, bah. Pas rap. Si, c'est rap. C'est bizarre. C'est rap. Mais c'est pas ouais. Booba. Et c'est Booba. Quoi? Je suis pété de thunes, pas pété d'air, sa mère. Voilà. Ah, ça me dit un truc dit maintenant qu'on ça. Le dit comme ça. Et c'est dans quoi? C'est dans Pirate. Oh putain, je l'ai très peu écouté celle-là. Est-ce que vous avez compté vos points? Parce que moi, pas du tout. Ben voilà, voilà. Mais la dernière fois, on a compté les points. Ça s'est très bien passé. Ouais, grave. Mais avant, vous aviez rien trouvé là pour le... Ah si, t'avais trouvé que c'était pas du rap. Donc t'as 0,5 points grâce à ça. Ouais. Non, allez. Un point. Oui, bon. Un point. En vrai, peu importe. Donc là, t'as 4,5. Ouais. Et pour celle-là, t'as trouvé quoi? Non, vous avez pas trouvé tous les deux? Non, si j'ai trouvé rap... J'ai trouvé que c'était du rap. Du coup, t'as un point, donc 5,5. Bienvenue dans le premier podcast qui met plus de temps à compter les points que de jouer le jeu. T'as 5,5, soit ta moyenne au lycée finalement. Alors c'est vrai. En maths uniquement, mais c'est vrai. Non, j'avais moins en maths. Beaucoup moins. Ouais. Le son vient du carrosse, le tien a pas roulé sa bosse. C'est du rap, c'est sûr. Ouais. Le son vient du carrosse. Mais c'est marrant, ça me rappelle Booba, mais on dirait encore un coup de... comme t'as fait avec Caramel, genre changer les mots. Mais je dirais rap Booba, du coup. C'est de moi. Putain, j'en étais sûr. Mais par contre, t'as changé un truc de Booba. Oui, c'est j'en ça. J'en étais sûr. Le son vient de... Normalement, c'est le son vient de la Benz. Le tien a fini dans la Benz, je crois. Ah ouais. C'est pas mal quand même. Le son vient du carrosse, le tien a pas roulé sa bosse. Ouais. Enfin, pas mal dans en le fait, sens. En fait, le pas rouler sa bosse, ça aurait dû me mettre grave la puce à l'oreille, ça n'a aucun sens. Booba dirait jamais un truc comme ça. Du coup, bah, 0 point tous les deux, désolé. Désolé, pas désolé. Et on en fait un dernier, du allez. Coup. Qui est. Je voudrais qu'on parle de moi aux nymphomanes, pas aux infos. Ça, c'est rap Booba. Je dirais rap, mais. Je sais pas si c'est Booba. Non, je sais pas. Mais dis oui ou non, peut-être tu vas tomber dessus. C'est Booba, c'est Booba, c'est Booba. Oui. Yes, bien joué. Oh là là, t'es tellement forte. Ouais, je sais. Mais tu nous as caché ce talent là. Oh là, oui, là. Oui. Quelle femme. Et c'était, à moins que t'aies le titre, Quentin. Alors attends, je suis un peu occupé là. Wow. Tu te sers de l'eau. Oui, exact. De l'eau. Attends, c'était quoi déjà? C'était, je voudrais qu'on parle de moi aux nymphomanes, pas aux infomanes. Ouais, je la connais, mais je sais pas ce que c'est. C'est le mal par le mal. Ah. Je la connaissais même pas. C'est un vieux titre. Voilà, c'est terminé pour ce jeu. Quentin gagne haut la main. Non, parce que tu oublies que Lisa est extrêmement talentueuse en photographie, ouais. Qu'elle vient de passer une dure année à la MGM. Et du que, coup, elle, par conséquent, elle gagne. Elle gagne à combien de points grâce à ça? 7 milliards. 7 milliards de points? Ok. Bah, okay. Donc moi, c'est... je trouvais. Ok. Victoire de Lisa. Victoire de Lisa. Bravo, Lisa. Donc 7 milliards combien de points? 7 milliards de points. Bah franchement, j'y étais presque. Hein. Mm. Presque ex aequo. Non, 7 milliards 2,5. J'ai donné le meilleur de moi-même, je ne peux... C'est dommage, t'avais que ta moyenne en maths. Mais ça, t'as vu, ça j'étais bien parti, jusqu'à la fin j'ai gagné, et à l'annonce des résultats j'ai perdu, c'est quand même... C'est dommage. C'est fou, mais c'est comme ça. Parfois ça, ça. Hein. Mm. Ouais, bon franchement, je voulais pas t'enfoncer plus que ça, mais... T'es nul. Ouais, ouais, franchement, je suis d'accord. C'est pas ouf. Ouais. Alors, même Lisa le dit donc. Bah merci. En même temps, elle est gagnante donc parole d'évangile. C'est vrai. #podcast chrétien. En parlant de podcast chrétienté. Bah, T'as fait une école privée? Mais non, pas du tout. Non. Bah vas-y, j'écoute ta transition alors, parce que là, je suis extrêmement curieux. En parlant de chrétienté, je faisais de... je faisais du catéchisme en primaire, parce que dans mon école, c'était enseigné pour tout le monde. Et ça me fait penser à la rentrée, personnellement, l'école, la rentrée et tout. Donc j'avais envie, dans ce podcast, de parler de la rentrée. C'est un spécial rentrée, étant donné qu'on est quoi, le 10 septembre, là? Non, je sais plus. On est le 7 septembre, soit une semaine même pas après la rentrée. Ouais. Mais je crois qu'il y a des gens qui rentrent maintenant, non? Ça dépend en fait quelle école t'as fait. Donc il y a des gens, je crois qu'il y a des gens. Ouais, il y a encore des gens aujourd'hui. Ouais. Mais pour les écoles publiques, collège, lycée et tout. Vers le 3-4. Exactement. Chasse sur vous. Fallait pas aller à l'école. Ne vous inquiétez pas, un jour sera fini. Du coup, bah c'est toi l'animateur, donc on attend. Mais d'où c'est moi l'animateur? C'est jamais que moi. Alors, effectivement, podcast sur la rentrée. Rentrée, qu'est-ce que ça vous... Alors, vous évoque. Exactement. Putain, j'avais oublié le mot évoquer. Incroyable. Je l'avais sur le bout. Ça te faisait penser à évêque, je pense. J'ai rapport à la chrétienté. J'adore Jésus, moi. Donc, ça se voit, je le savais. J'appellerai probablement mon fils Jésus, d'ailleurs. Jésus. Jésus-Jésus. Bah, je note. Merci. Je peux être le parrain? Non. Moi, je fais des photos. Oui, c'est avec plaisir. Par contre, tu peux jouer le parrain dans le remake du parrain, si tu veux, à la place de Vito. Moi? Ouais. Mais je vais pas assez méchant. Vas-y, fais le parrain italien un petit peu, là. Oui, je pense que la famille... En fait, on va annuler le projet, ouais. C'est pas... Mais j'ai même pas fini ma phrase. Franchement, c'était pas mal, mais en fait, on annule le film. Et sinon, la rentrée. Du coup, effectivement, qui dit rentrée dit... Stress. Ah. Et toi? Moi, angoisse. Super. Stress au début, les premières rentrées, tu vois, genre le collège et tout. Et après, au lycée, forcément, en seconde, il y a un peu de stress parce que c'est le lycée, tu connais pas l'environnement Bien sûr. Et t'es un peu plus autonome, on va dire. Bien sûr. Mais après, au fur et à mesure, je trouve que ça passe. Moi, c'était... Waouh, j'ai fait un bruit très grand. Je rappelle non, que... Non, attends, on va pas faire d'ASMR, mais je voulais... Non, on va pas faire d'ASMR. Je voulais juste soulever une anecdote. Récemment, on a téléchargé une application qui s'appelle Sleep Cycle. Oui. Et qui est incroyable, je vous conseille de la télécharger. Je vais juste check vite fait le timer, car je rappelle, il faut que... Attendez, si j'arrive, voilà. Ok, non, on est... Ah oui, ouais. c'est n'importe quoi. Non, ça va, on a encore 6 minutes. Pourquoi je me suis levé? J'adore le sport, en fait. Ah ouais, bravo. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Sur Sleep Cycle. Oui, donc on a téléchargé une application qui s'appelle Sleep Cycle, qui est dispo sur iOS et Android. Je crois Android. Hein. Android, oui, aussi. Et qui est vraiment très cool parce que, en gros, vous la posez sur votre table de chevet et ça va enregistrer toute la nuit et ça va vous dire précisément à quelle heure vous vous couchez, quand vous vous endormez et quand vous vous réveillez. Et ça va vous réveiller en 30 minutes, c'est-à-dire que vous rentrez une heure, par exemple, vous dites « j'aimerais bien me réveiller à 10 heures » et le réveil va vous réveiller progressivement avec de la musique de plus en plus forte qui change et tout un petit peu pendant cette phase de 30 minutes. C'est et ça. Là où on a cette phase de, sommeil léger. Parce que petite astuce, si vous avez du mal à vous lever, essayez de vous lever par tranche de 1h30 en fait. Parce qu'en gros, un cycle de sommeil, c'est... sommeil léger, sommeil profond, sommeil léger, sommeil profond. Sommeil profond, c'est là où on rêve, où on déconnecte complètement. Et le sommeil léger, c'est là où parfois on se réveille vite fait, après on se rendort. Et en fait, si on se réveille au moment du sommeil léger, c'est beaucoup plus simple d'être réveillé direct, productif et tout. Et Sleep Cycle permet de faire ça, mais ce que ça permet aussi, c'est d'enregistrer ces ronflements et le temps qu'on ronfle par nuit. Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse pour sa performance unique, Vincent, qui, avant-hier, a ronflé pendant 1h23. Merci beaucoup. Et c'était 1h43 en plus. 1h43. Oui. Eh ben, c'était long quand même. Ça fait beaucoup. Sacrément long. Franchement, sur toute une nuit, c'est pas mal. Hein. Attends, bon, t'as dormi 8h, on va dire? Ouais. Alors, en gros, allez, vas-y, on arrondit à 2h. Ça fait quoi? C'est un tiers de la nuit, alors? Un tiers de la nuit, je ronfle. Enfin, un quart plutôt. Waouh, c'est incroyable. Mais ça veut dire que tu dors bien, t'es à l'aise. Je suis vraiment posé. Ça fait plaisir. En plus, toi, tu peux en témoigner. Alors, quand je m'endormais au Japon, là, dans des positions plutôt... comment mais dire, toi aussi. Des contractaxes. Quand tu dormais avec ton téléphone devant encore allumé. Alors ouais, non, ça... je m'en souviendrai. Alors, j'ai un super pouvoir qui est que je peux dormir partout, en fait. Et exactement. Il s'avère que... Tu sais quoi, je mettrai la vidéo, mais... Une fois au Japon, j'étais tellement fatigué que je me suis mis sur le lit, je me suis posé tranquille, j'étais sur mon téléphone, mais pas dans une position de sommeil, j'étais juste... Posé sur le lit, téléphone. Et je me suis endormi dans cette position... Téléphone avec le allumé. Téléphone allumé en main et tout, incroyable. En plus, moi, j'étais dos à lui, donc je le voyais et je me suis dit, putain, c'est marrant, ça fait quand même 10 minutes qu'il est sur il le même plus. Écran de son téléphone. Il est peut-être mort. je vais vérifier. Non, il dort. Ouais, incroyable. Et je vais devant lui et je vois qu'effectivement, il était vraiment en train de dormir. Quoi. Incroyable. C'est fou, ça. Mmh. Voilà, là. Est-ce que tu as des anecdotes de sommeil, Lisa, maintenant qu'on parle? J'arrive à dormir partout aussi. Ah. Ouais, et ça m'est déjà arrivé de dormir sur une table. Bah, quand t'as rien d'autre, ouais. C'est-à-dire que... Une table. Comme ça? Ouais, ouais. D'accord. Voilà, et... Mais t'as toujours été quelqu'un qui a su prendre de la hauteur, toi. Ouais. C'est normal. Voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, il y a plus de saison, c'est fou ça. Ouais. Bah non, moi ça va comme un lundi là aujourd'hui. Et on est samedi. On est samedi en plus. Du coup la rentrée. Bah déjà courage à ceux qui ont leur rentrée à l'heure actuelle. Oui. C'est bientôt fini, on a tous des années à tirer, mais un jour sera fini. Si pour les lycéens ça va être chaud parce que si vous n'êtes pas arrivé en première, un jour on va vous demander, bah on est en mars et il faut savoir ce que vous voulez faire de votre vie maintenant en fait. Donc voilà. Donc choisissez vite. C'était quoi? C'était admission post-bac, non? Mais maintenant c'est ça. Non, voilà, c'est exactement. Ok. Mais de toute façon, en vrai, on s'en fout complètement. Ça se trouve, dans 3 ans, après, vous allez changer d'avis et trouver vraiment un truc qui vous intéresse. Donc faites un truc et si vous n'êtes pas rien sûr, rien n'est perdu de toute façon. Exactement. Vous avez toute la vie devant vous. Exactement. Tout est noir, j'ai envie de dire. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien. Yes. J'ai une petite anecdote par rapport à la rentrée. Oh. Enfin, plutôt un sujet. En fait, je ne sais pas si vous en aviez discuté avec vos amis à la rentrée. Enfin, bien après la rentrée, vous êtes devenus potes et tout, vous avez discuté et vous leur demandez quelles premières impressions ils ont eues sur vous. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ouais. Ouais. Ouais. Et je trouve que on tombe très souvent sur des choses soit opposées, soit très drôles. Ouais, moi, très par drôle. Exemple, j'en avais parlé avec mes potes du lycée et ils m'avaient dit que la première fois qu'ils m'ont vu, j'étais à côté d'un gars que je connaissais bien parce qu'on était tous les ans dans la même classe depuis le début du collège. Du coup, je m'étais assis à côté de lui et on s'était assis tout derrière. Et du coup, l'un de mes amis s'est dit « Ah, ça, c'est les cancres c'est de les la cancres. Classe. » Alors que, regardez, j'ai un micro bleu. Je suis gentil, en fait. Voilà. J'avais juste un message à faire passer. Difficile à croire. Hein. Mm. Difficile à croire. Je suis hyper gentil. Mm. Je suis hyper gentil. Bien sûr. Je suis hyper gentil, yo. non, bien sûr, Vincent est une crème, mais ce n'est plus un secret pour personne. Donc, en plus, j'ai un micro bleu. Et en plus, t'as un micro bleu. Pour le prouver. Ok, on le rappelle, parce que y a, voilà. Ouais, c'est vrai. Est-ce que donc, du coup, toi, tu disais que t'as pu vivre cette expérience aussi? Oui, bah forcément. Et moi, on me disait que j'étais très timide au début parce que j'accorde difficilement ma confiance. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, je parle pas forcément trop. Mais après, quelques jours après la rentrée... On peut plus t'arrêter, ouais. Quoi. Ça parle. Photo. En mode rafale, j'ai envie de dire. Bravo. Merci, c'est la seule blague que j'ai trouvée par rapport à ça. Par contre, autre blague, c'est celle du cut qui est maintenant. Du coup, effectivement, alors moi, j'ai pas trop souvenir d'avoir vécu ça. J'ai pas demandé rétrospectivement aux gens ce qu'ils pensaient de moi le jour de la rentrée, j'avoue. Mais moi, par contre, comme je t'ai connu un jour de rentrée. Oui, c'est vrai, on peut en parler à l'UT, on peut parler de nous, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'avais comme première impression ? Alors, je me souviens parfaitement de la première fois où je t'ai vu, en fait. Ou je t'ai remarqué plutôt, parce que dans la classe, on remarque les gens et d'autres pas tellement, enfin, au bout d'un certain temps, on les voit, etc. Et toi, je t'avais remarqué parce que on s'était mis un peu en cercle devant une salle en attendant le prof. Et il y a tout le monde qui disait un peu « Ouais, moi, je viens de Wissembourg. » Ils avaient tous des micros. Ouais, ils avaient tous des micros. Ils parlaient dedans. Ouais. Attends, mais on n'a pas fait une école d'ingé son, je crois. Non. Mais ouais, tout le monde disait un peu d'où il venait et tout. Et toi, t'étais un peu le mec qui prenait la parole et qui invitait les gens à discuter. C'est vrai. Ça m'étonne pas. Et je me suis dit, oh, il a l'air super sympa, ce mec. Le négociateur. Et fait qui m'avait étonné aussi, on avait fait dans un cours de communication, le premier qu'on a eu, je crois que c'était la première semaine, peut-être le deuxième ou troisième jour de cours, un cours de com où il a fallu se présenter devant toute la classe en amphithéâtre. Ah mais c'est bien, c'est un bon exercice. Moi j'ai haï directement. Ouais, quand tu l'as jamais fait, c'est très compliqué. et donc moi j'étais là, je redoutais le moment où mon nom allait sortir. Ou je sais plus s'il fallait se manifester ou quoi, mais je crois que la prof t'avait dit un truc. Ouais, en fait, je riais un petit peu parce que c'était marrant de voir tous les gens stressés et tout. Et c'était pas un rire méchant, mais je me suis dit, tu sais, il y avait tellement de tension et tout, c'était trop marrant de voir les gens en mode comme si on se présentait à la présidentielle, tu vois, alors qu'en vrai, c'est juste un cours où tout le monde va faire de la merde parce que personne n'a jamais parlé à l'oreille, tu vois. Et c'était juste marrant, en fait c'était plus un rire nerveux de « ça n'a aucun sens cette situation, tu vois, genre tout le monde est là en train de stresser comme si ça allait être la guerre ou je sais pas, bref. » Et du coup elle t'a fait une remarque. Ouais, elle m'a regardé, elle a fait « ça vous fait rire monsieur Botos et Crepon, descendez vous présenter. » Et toi dans le plus grand des calmes t'as fait « ok ». Comme ça t'es allé devant et t'as parlé tranquillement et moi j'étais là « mais enfin cet homme a trop d'assurance pour être ici ». En vrai, j'étais mort de trouille aussi. Pour être tout à fait franc, j'étais mort de trouille. Mais le truc, c'est qu'il faut y aller quand même, tu vois. Le principe de la peur, c'est que ça va te paralyser, mais il faut quand même y aller, tu vois. Il faut toujours y aller. Mais je trouve que c'est un bon exercice comme ça de se présenter devant les gens. Franchement, c'était un bon exercice. Ouais. Parce que après, tu peux avoir plus confiance en toi pour la vie tous les jours. Ouais, clairement. C'est clair. Bah, ça, franchement, ça nous a beaucoup appris. Je trouve que la communication à l'IUT d'Agno était. Et bonne. Alors, bon, maintenant, ça fait 4 ans qu'on l'a quitté. Non, attends. 2 ans 3 ans Non, ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans qu'on l'a quitté, donc je sais pas ce que ça vaut maintenant. Mais en tout cas, quand on y était, c'était franchement bien. Franchement bien. Franchement bien. C'est entre vachement et franchement. Ouais. Franchement bien. C'était réellement bien. Car je le rappelle, on n'est pas dans un mythe, on est dans la réalité. Mais du coup, toi, par rapport à moi... Alors, moi, je me souviens... au début, je me demandais... Mm-hmm. Qui tu étais vraiment, parce que... Qui es-tu vraiment? Dis-le nous. Mais tu te rappelles quand je t'ai enfermé dans une pièce et que je t'ai interrogé pendant 10 heures? Ah oui, c'était pour savoir c'était qui pour j'étais. Savoir. Non, non, en super. Vrai, je me demandais qui t'étais vraiment parce que t'étais extrêmement discret, tu vois. Ouais. Et tu... En fait, ce qui est marrant avec toi, c'est que t'as souvent avec l'œil... Avec toi. C'est que t'as souvent l'œil un peu partout, mon pote. Non, c'est que t'as souvent l'œil un petit peu partout à regarder ce que les gens font et tout, mais sans forcément réagir, tu vois. Ouais. T'observes, tu regardes, machin et tout, et je me demandais, mais... Qu'est-ce qu'ils pensent, tu vois. et après, on a eu les premiers cours de programmation et tout. On a vite commencé à se parler. Mais je crois que toi, t'avais... En fait... t'avais parlé à ta meuf avant. Enfin, ta future meuf qui est maintenant ton ex. Oui. Mais à l'époque, tu l'avais parlé avant. Ouais. Et elle avait une appréhension avec toi. Elle trouvait que t'avais l'air hautain et tout. Et du coup, elle m'avait un peu mis cette idée en tête. Donc à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il est... c'est peut-être un connard en fait. Alors mais vite. Et c'est elle vrai, avait raison. Elle avait raison. Elle avait entièrement raison. C'est pour ça que t'es plus avec elle, alors que t'es ami avec moi aujourd'hui. Exact. Mais ouais, en fait, je t'entendais parler dans le fond de la classe et tout, Et comme tu parlais toujours avec autant d'assurance et tout, je me suis dit, c'est peut-être pas seulement de l'assurance, c'est peut-être qu'il est hautain, en fait. Et je sais plus, à un cours, on s'était assis l'un à côté de l'autre. Je sais plus pour quel cours du tout. Mais toujours est-il que bah, j'ai appris à te connaître et que t'étais vachement sympa. Merci beaucoup. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Quoi que tu fasses, les gens vont te juger, tu vois. Donc fais ce qui te fait plaisir, fais ce que t'as envie de faire et c'est tout. Parce que de toute façon, les gens vont perdre leur temps à juger et tout. Donc franchement, on s'en bat les couilles. Mais très content que tu aies réussi à outrepasser cette ouais. première impression. Non, la première impression était bonne. Donc la première Après, impression... Après, on m'en a mis une mauvaise poison, en tête. Ce poison qu'on a inséminé dans ta tête. Il y a toujours des gens pour parler. C'est vrai. Et au final, bah non. Et moi, ce que... Donc quand j'ai appris à te connaître, qu'on était à côté en programmation et tout, alors déjà... Il a eu énormément de courage parce que le nombre de fois où j'ai éteint ton ordinateur quand il était en train de programmer. Genre, et c'est... Ah, attends, mais en plus, c'est des ordis DUT, ça met 10 minutes à se relancer, tu vois. Et des fois, il avait même pas sauvegardé. C'était tellement chiant. Mais c'est bien parce qu'au bout d'un moment, c'est devenu un jeu. Il était sous pression en mode quand est-ce que ça va arriver. Et il regardait. En tout cas, ça m'a appris à sauvegarder mon travail. Donc, merci. Ah, merci. Et en fait, j'ai tout de suite accroché parce qu'on a eu les mêmes refs avec Inspecteur Leblanco direct et tout. Ouais. Et on avait vraiment le même humour et tout, ça a collé direct. Donc, exactement. Comme dit, je t'ai pas vu tout de suite, mais dès que j'ai appris un peu à te connaître, pour moi, c'était le main. Le gros lot. Mais d'ailleurs, tu m'as dit que tu t'étais dit un jour précis que avec lui, ça va bien coller, tu vois. Ouais. Parce que j'étais passé devant pour parler. Ça te rappelle si je te dis élan ça te... Ah oui, c'était dans un autre cours de communication d'ailleurs. Finalement, les cours de com, c'est vraiment. Quand je vous dis, c'est bien. Croyez. Et voilà. Je déteste ce personnage qui vient de faire. Il a aucun avenir, rien. Je vais le tuer direct. Bam. Mais je crois que le cours de com en soi, c'était. On avait un sujet qu'on avait préparé et on devait en parler une minute. Et au bout de la minute, le prof nous disait un autre sujet et on devait de nouveau en parler une minute, mais sans avoir de préparation. Je crois que c'était ça. Exact. Et toi, je me souviens, t'étais avec tes Nike montantes avec la languette en mousse, noire et blanche. Ouais. C'était des Nike SB d'ailleurs. Ouais. Ça t'a marqué. Mais je t'ai dit, jean bleu et chemise à carreaux blanche et bleue. Mec, t'as vu la photo récemment, c'est pas possible. Non, mais je t'ai dit, je me rappelle de ce moment. En plus, je me rappelle exactement quand t'as fait ta démonstration avec l'élan et tout. Et je me suis dit, ça n'a aucun sens, c'est trop stylé. Ouais, je suis parti dans un délire. Mais en fait, c'est l'humour absurde, mais genre intelligent, c'est pas juste en mode « Eh, ça va ?» Tu vois, genre, il y avait vraiment... Hey, j'ai croisé un pingouin unijambiste qui vient du Congo, machin. Non, c'était vraiment recherché. Il y avait, c'était travaillé. Je me suis dit, ah cool, une blague intelligente. Et ça a fait son petit effet. Mais d'ailleurs, je te montrerai après. J'ai la photo de moi. Tu l'as la photo devant, ouais. Avec l'accoutrement. Exactement le même accoutrement. L'accoutrement, putain. Pas dit l'accoutrement. ouais, parce que t'es un sacré personnage, mon pote. Waouh, merci. Et non, bien sûr, en plus, plus on a appris à se connaître, plus j'ai compris que t'étais une crème, un homme extrêmement de confiance, donc ça fait plaisir. Bah, merci. Lisa. Oui. Alors, je sais que tu es quelqu'un qui a des revendications. Je sais que tu es quelqu'un qui défend des la causes et tu as raison. Tu as raison parce qu'il faut dénoncer, sinon on n'avance pas dans la vie. Il faut parler des choses problématiques. D'ailleurs, Macron. Alors, non. Merde, c'est pas Salut malin. Manu. Référence à Booba. Sarko. Salut Manu. Sarko. Okay. Sarko. Big up Booba dans son interview brut, tu l'as pas vu? Ah, celle où il dit qu'il veut faire de l'argent, uniquement de l'argent. C'est ça, non? Non, je crois pas. Ah, est-ce si, qu'est-ce que c'est une blague qui est sortie récemment là. De brut? Ouais. Ou genre elle dure longtemps et il est juste sur fond marron et tout. J'ai vu des extraits dans les stories des gens. Ah. Où il dit, il parle principalement d'argent ouais. Et que pour lui c'est ça le bonheur. Il faut qu'il non, ait de l'argent il dit pas pour ça. Avoir il dit, tout. Non, il dit pas ça. Il dit que l'argent égale la liberté, tu vois. Oui, pas, voilà, pas... il a dit ça. Et en vrai, il a raison parce que par exemple, si tu veux faire, là, on parle du principe de liberté. Alors évidemment, on pourrait tergiverser 1000 heures sur qu'est-ce que la liberté, tu vois. Mais là, on parle d'une liberté matérielle. Évidemment, la liberté spirituelle, elle est propre à chacun. Et ça, on peut pas la essayer de la mettre dans des cases. Mais la liberté matérielle qui est en rapport avec l'argent, c'est forcément uniquement par rapport à l'argent, tu vois. Imagine, tu veux faire un tour dans l'espace. Oui. Tu gagnes le SMIC, c'est impossible. Oui, si tu veux te déplacer, oui, c'est clair, il faut avoir de l'argent. Tu vois, c'est, en fait, c'est juste ça qu'il dit. Il dit pas que c'est ça le plus important et que rien ne compte, tu vois. Enfin, il suffit de voir comment il parle de ses enfants pour se rendre compte que c'est un gars qui est émotif. Et franchement, je sais pas, j'écoute pas ces interviews, donc. En vrai, je pense que Booba, c'est quelqu'un qui est assez seul à Miami, qui fait son business. D'ailleurs, il fait très peu de stories avec les gens qu'il voit, tu vois. Il est avec des gens, avec son entraîneur, avec Gâteau et tout, Gâteau d'Abato. Putain, ce personnage est revenu, je l'ai tué, sa mère. Bref, je le retue. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il voyait le rap comme du sport, comme de la compétition. Donc, tous ces clashs, tous ces trucs et tout, je les comprends. Et encore une fois, comme cette histoire avec Arouf Gangsta et tout, si tu te sens attaqué par un clash de Booba, c'est que t'as un vrai problème, tu vois. Genre, Damso, il a clairement du talent, tu vois. Mm-hmm. Et je vois mal Damso. D'ailleurs, il a jamais répondu parce que Damso est quelqu'un d'intelligent, tu vois. Booba l'a toujours attaqué. Encore une fois, pour ce côté sportif et aussi, bien sûr, parce qu'à cause de ces histoires de maisons de disques et tout, bon, on saura jamais vraiment la vérité, mais tout ça. Et Damso a toujours gardé son calme. Il y a eu aucun problème, tu vois. Je crois qu'il a lancé juste une pique là dans Tricheur où il dit t'assumes pas ta calvitie, je crois. Mais sinon, Et Damso est resté calme. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est du sport. Soit tu rends les coups, soit tu... Je sais pas, mais... Les gens soit prennent... tu passes au-dessus. Exactement. Les gens prennent trop à cœur tout ça. Enfin, c'est les réseaux. Franchement, si les réseaux, ça vous fait mal, apprenez à déconnecter. Parce que je vous jure, ça va foutre en l'air. C'est dangereux, les réseaux. C'est dangereux. Donc, apprenez à prendre de la distance avec ça, en fait. Surtout Twitter. Alors, ouais. Twitter, l'enfer. À chaque fois qu'on en parle, c'est Twitter, la pire chose sur toi. Mais bref, voilà, juste pour dire, si jamais, franchement, les réseaux, ça vous pose un problème, ce qui est compréhensible parce que c'est très, très, on peut très facilement être harcelé ou tomber dans une shitstorm, mais juste quittez votre écran, en fait. Il n'y a pas de « Oh, je me sens cyberharcelé, je ne sais pas quoi faire ». Juste, éloignez-vous de ça. Vous ne faites pas du mal en continuant à aller dessus, etc. Vous avez ce choix, en fait. Personne ne vous oblige à continuer à aller sur Twitter ou autre, en fait. Donc, ce choix, il vous appartient. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Bref. Voilà, pardon, c'était toi qui devais dénoncer, c'est moi qui me... Je suis désolé. Alors, oui, est-ce que tu as un truc à dénoncer sur l'école ? Ça serait bien qu'on parle tous d'un truc qui... Soit... Qu'on pourrait améliorer. Ouais. Ce qu'on pense qu'on pourrait améliorer. Ou un truc qui n'a pas de sens, en mode, tu vois, genre, en France, par exemple, il y a une loi qui interdit qu'on appelle son cochon Napoléon, tu vois. Enfin, par exemple, pourquoi, en fait ? Voilà. Non, c'est vrai, hein, c'est nous, il y a une vraie loi comme ça. Donc, l'école. Ouais, il y a quelque chose que je... comprends pas forcément, c'est l'interdiction d'utiliser les téléphones portables en collège et lycée. Et je pense que ça serait plus intéressant de rendre le cours interactif et d'expliquer, enfin de faire certaines heures de cours pour expliquer aux élèves des applications, comment fonctionne Internet, les fake news, ce genre de choses. Donc faire de l'éducation, en fait. Voilà. Ce que l'école est censée faire, on le rappelle. Voilà. Plutôt que d'interdire de dire, tout de suite. En fait, c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément ou qu'on a du mal à comprendre, qui nous surpasse un petit peu tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et tout. Eh ben, tout de suite, on interdit. Ben non, il faudrait essayer d'expliquer, de dire... Ben voilà, comment ça fonctionne, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si vous voulez vous renseigner sur quelque chose, ben utilisez plutôt ce site ou cette application plutôt qu'une autre. Ben non, là, on a tout de suite interdit. Ce réflexe d'interdire. Je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais d'ailleurs, Vincent, je ne sais pas si tu te souviens, et tu vas pouvoir rebondir sur ça, mais dans un épisode, tu sais l'épisode où on cherchait des sujets via Internet, là, via Google. Un des sujets, c'était genre 7 choses que nos profs ne nous ont pas appris à l'école. Ouais. Et on en était arrivé à la conclusion, sur Internet, je crois, 7 choses sur Internet que nos profs ne nous ont pas appris. Ouais. Et en fait, on en arrivait à la conclusion qu'on n'a pas justement ces cours-là parce que souvent, les gens qui les dispensent ne sont pas au fait des réseaux sociaux, tu vois. Genre, par exemple, je connais aucun éducateur qui va être... qui connaît les ficelles de TikTok, que ça soit commercial, populaire ou quoi, tu vois. Même nous, alors qu'on est encore un peu jeunes. Exactement. Mais après, bon, nous, c'est parce qu'on n'a pas envie de s'y pencher. Mais en vrai, TikTok, tu télécharges l'application. Enfin, je pense que tu comprends quand même largement le fonctionnement juste en voyant, tu vois. Et en vrai, je pense que à l'école, c'est pas fait parce que ils font pas appel à des intervenants qui s'y connaissent, en fait, tout simplement. Ça commence justement avec le service civique. Il y a des interventions qui sont faites en collège et lycée pour parler des fake news. Okay. Donc, ça commence. Il y a des choses qui bougent un peu. Qui bougent, ouais. Aussi pour parler de la sexualité, parce que c'est important d'en parler aussi, je trouve. Ultra important. En collège et lycée. Surtout avec l'accessibilité à tout ce qui est pornographie et tout. Voilà. On fait souvent des blagues sur ça, mais il y a une vraie éducation à faire là-dessus. Moi, quand même, jamais. Ah oui, moi non plus. On fait des blagues parce que c'est genre c'est interdit, tu vois. Donc, on parle un peu de ça, quoi. Jamais j'ai marqué Pornhub et tout. Mais on n'en doute pas. C'est quoi, porn, quoi c'est, je dis un nom au pif où il y a porno dedans, mais je sais pas si ça existe. C'est ton nom de rappeur? Ouais, Pornhub. Filé. Ok. Okay. Je compte percer avec ça. C'est mal barré. je compte percer avec ça. Je compte percer avec ça. Mais non. Mais quoi? Rapport au thème. Percer. Percer. En profondeur. Ah. Bon, allez. On se retrouve après la coupure et cette blague nulle. Cette blague. Ah, punaise, mais en plus c'était bien. Hey, retour. J'ai travaillé sur mes blagues pendant cette coupure. Donc c'est vrai, parce que ça a duré vraiment 5 secondes. Hein. Ouais, mais je suis quelqu'un qui réfléchit extrêmement vite parce que je suis super intelligent en fait. Oh, wow. Genre, là, je viens de trouver le. Attends, j'ai trouvé le remède à tous les cancers du monde, ça y est. Attends, mais en fait, quand j'avais eu l'impression que t'étais hautain, c'était vraiment le cas. Donc ça y est, c'est... Ah oui, je suis super à la plèbe, quoi. Il n'y a pas de... D'accord, ok. Il y a quand même une différence de niveau, soyons là. Voyons. Même entre... Allez. Waouh. Alors. ce personnage est détestable, mais je pense que je vais... Mais lui, on va le garder. donc effectivement. Et alors, pour toi, du coup, quelles seraient les solutions à ce genre de problème? Donc vraiment une éducation avec des personnes qui sont qualifiées. Oui, par exemple, avec les volontaires du service civique, tu vois, qui font des interventions. Donc des jeunes, qui font des interventions. Oui, des jeunes, mais aussi... Attends, juste un tout petit peu plus loin. Hop, voilà. Pardon. Non, mais c'est... Ouais, mais aussi, pourquoi pas, des profs qui ont une formation là-dedans, tu vois. Alors ouais, parce que je pense que ce serait plus intéressant des profs parce que le truc des jeunes, c'est que certes, ils s'y connaissent, mais ils n'ont peut-être pas tous la pédagogie pour transmettre ces connaissances, tu vois. C'est vrai. Oui, mais d'un autre côté, étant donné que c'est des jeunes qui parlent à des jeunes, je pense que les jeunes en classe, donc collégiens et lycéens, ils auront tendance à se confier plus facilement, tu vois. Vu qu'ils se disent, c'est des jeunes. Ils nous comprennent, ils sont comme nous. Ils ont à peu près le même âge que nous, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ok. Donc effectivement, ouais, faudrait sélectionner des gens qui soient, qui comprennent tout ça et qui soient capables de transmettre ces connaissances, ouais. Effectivement. Ce qui est pas infaisable en soi. Oui. C'est même plutôt simple à faire. Mais ouais. Après, peut-être que l'école en France est quand même extrêmement un peu vieux jeu, tu vois. Ah oui. On est ancré dans des vieux trucs qui sont très reliés à la religion d'ailleurs. On n'a pas beaucoup évolué. À ce niveau-là, avance doucement. Ouais, franchement, ça avance quand même très doucement. Tu vois, les tabous sur l'argent, la sexualité et tellement d'autres trucs. Enfin, on est en 2019, quoi. C'est incroyable. Il y a encore des gens, par exemple, des jeunes qui, la première fois qu'ils vont acheter des préservatifs au supermarché, sont gênés. Tu vois, ils ont honte parce qu'ils ont une vie sexuelle, qu'ils ont une copine. Genre, c'est quand même un truc incroyable. C'est trop bien, tu vois, de pouvoir partager. Et ils ont honte de se protéger, tu vois. Partager ses fluides corporels. Exactement. Non, mais ça veut dire ils ont honte de se protéger. Ça veut dire ils ont honte d'être responsables. C'est quand même incroyable. Ouais, en c'est vrai. Incroyable. C'est un vrai problème. Hein. Il y a des choses à changer. Et effectivement, c'est ce que tu disais avant aussi par rapport à l'éducation sexuelle, tout ça. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Vincent. Oui. Qu'est-ce que tu dénonces, toi? Parce que toi, t'as la fibre. Moi, je dénonce les emplois du temps. Ah! Comment ça? Qui sont troués, là? Des fois, tu viens à 8h et t'as cours à 11h. Non, mais j'ai vu des emplois du temps tourner un peu sur les réseaux, où le mec commence Pouloulou. À 8h. Les réseaux Pouloulou. c'est rap, ça. Je suis un peu jeune, ouais. Yes! Mais attends, du coup, j'ai le point ou pas? Alors, 0,5. Non. Niska? 9005. Et non, c'est réseau. 9000,5. Réseau. Et pour moi, t'es le meilleur joueur. Yes! Incroyable. Attends, mais t'as dépassé c'est Lisa. C'est évident celle-là. Hein. Ouais, j'ai dépassé. Elle a 7 milliards. 7 milliards 2. Oui. 2,5. Oui, bon. S'il te plaît. Allez. Allez. Non, mais ouais, j'ai vu des emplois du temps passer avec des trous énormes où genre tu commences à 8 heures, à 10 heures, t'as plus rien jusqu'à 16 heures. Attends, mais t'as servi ton eau. L'eau, en fait. J'adore, moi. Pour moi, ça doit revenir à la terre, ça. Ce problème, c'est qu'il y a un immeuble et une table entre moi et la terre, donc ça marche pas. Là, j'ai fait ça. C'est fou. Et comme il n'y en avait plus, j'ai tapé dedans et voilà. Bien joué, t'as foutu de l'eau partout. Ah, je suis désolé. D'ailleurs, tourne un peu pour qu'on voit bien que c'est de l'eau et pas... Ouais, ouais, ouais. Y a pas de... Que c'est de l'eau. Ouais, que c'est de l'eau. Ouais. De l'eau, oui. Du coup, les emplois du temps sur Twitter. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais, des gens qui avaient des trous énormes dans leur emploi du temps. Et je trouve ça abusé, en fait. Genre, ils doivent être là, du coup, de 8h à 18h pour seulement 2h de cours. Mais le souci, c'est que les profs, ils ont d'autres classes aussi. Ouais, c'est pour je ça, sais, tu je vois, sais ils bien. Doivent... Mais il y en a qui ont vraiment pas de chance, quoi. Ouais. Après, là où c'est problématique, c'est quand, par exemple, t'es au collège et que t'as pas le droit de sortir, tu vois. Ouais, au lycée, c'est ça. Au lycée, ils te laissent sortir, tu vois, mais au collège, t'es obligé d'aller en perm, tu vois. Et quand t'as genre 4 heures de trou... Ben, par exemple, pendant ces 4 heures de trou... Oui, tu pourrais le rentabiliser. Après, le truc, c'est que... Tu ouais. peux assister... c'est le moment où il faudrait poser le genre de cours sur la sexualité ou ouais. Les gestes de premier secours, par exemple. Ouais, mais est-ce que des jeunes collégiens auraient assez de maturité pour c'est se aussi dire ça, le problème, je vais aller en cours au lieu d'aller en perm pour rien faire. C'est aussi ça. Du coup, là, c'est le job des gens qui proposent les animations. Tu vois, il faut que ce soit. C'est aussi le job des parents d'éduquer leurs enfants à ces sujets et de leur dire que c'est important. Parce qu'en vrai, c'est pas à l'école de faire l'éducation des parents, tu vois. Il y a une grosse part d'éducation chez les enfants qui doit être faite chez les parents. Oui, oui, ouais. Mais bon... Et y a c'est pour ça qu'on a des bullies. C'est pour ça qu'on a des bullies et des gens qui se font victimiser. Après, comment après quoi, pardon? Hein oui. Les gens qui sont victimisés. Comme moi. Oh. Non, je disais pas ça pour passer Allez. Pour la victime. Allez. J'ai souffert au collège. Il va pleurer. Non, je plaisante, mais parfois c'est difficile. C'est vrai. Pour certaines personnes, malheureusement. C'est très dur, ouais. Il y a vraiment du harcèlement scolaire. Moi, j'étais pas dans la pire situation. Donc. Parfois, ça amène à du suicide. Bah, d'ailleurs, je vais parler. Du suicide. Justement, parfois ça amène à du suicide. D'ailleurs, je vais parler de gens. Non, mais je vais parler d'un gars qui était au collège avec moi et qui a pris très très cher pendant de nombreuses années. C'était un gars qui était pote, on était amis, mais sans plus, tu vois, on se parlait, on était cool, mais une fois que le collège était fini, j'ai plus trop entendu parler de lui, mais voilà. Mais par contre, pendant ses 4 ans de collège, ça a été super dur pour lui. Genre, je me souviens, une fois, il avait ramené un kawé violet, jaune et vert, mais très fluo, tu vois, oh, à l'école. Ouais. Et, le genre de truc des années 80, voilà. 90, un peu. Sauf qu'on était dans la période un peu, tu sais, Caporal, G-Star, les trucs, tu vois, comme ça. Sergio Tacchini. Ouais, comment s'appelait déjà le truc Rivaldi. Rivaldi, voilà. Ouais, tous les trucs comme ça, avec les paires de requins et tout. Enfin, tous les trucs un peu. Rivaldi, vraiment que les petits cons qui avaient ça, c'est ouf. Alors, ça n'engage qu'à toi. mais ouais, et du coup, ce gars, un jour, s'est ramené avec ce kawé. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, ce jour-là, il avait une valise en cours au lieu d'un sac, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être qu'il avait dormi. Franchement, peut-être qu'il dormait chez quelqu'un d'autre le soir. Oui, même, peut-être, tu vois. Mais franchement, il l'a cherché. Alors, assez-il tout étant que ce garçon se ramène avec une valise et un kawé haut en couleur. Et sans mentir, toute la récré. Et je parle pas de la récré, la situation, mais je parle des personnes, c'est-à-dire toute la cour, en fait, tous les gens du collège. Se sont mis autour de lui dans la cour, ça faisait une marée de monde immense et il était tout seul au milieu, en bas accoudé en position fœtale. Non, pas en position fœtale, il était pas en voilà, mais il était recroquevillé sur lui-même en bas d'une colonne qui soutenait le préau. Il pleurait genre et tout le monde se moquait de lui à cause du kawé, tu vois. Et moi, je me souviens, je regardais ça, j'étais en mode. Non mais qu'est-ce qui se passe là, genre je comprenais pas, parce que certes son kawé était pas ultra beau, mais à ce point-là ça, je me disais mais c'est incroyable, tu vois. Et le truc c'est que en vrai là-dedans c'est que c'est un vrai phénomène social. Il y a la plupart des enfants ils s'en battent les couilles en vrai de ce que tu portes, tu vois. Sauf qu'il y a deux trois gars qui ont dit « Oh, regardez, son KO, il est trop moche, machin et tout. » Et là, toute la récré, genre, lui est tombée dessus. Et ce truc m'a rappelé, ça m'a vraiment marqué, parce que vraiment, quand tu vois 400 gosses qui se moquent tous d'un seul, tu te dis « Waouh, ça doit être violent pour, quand tu te construis, que tu cherches à quitter... que t'essayes de te faire des amis et tout, parce que c'est un gars qui, comme il était pas un peu bizarre, mais il avait des réactions parfois qui étaient trop étranges, tu vois. Un peu d'éthique ou des trucs comme ça? Non, pas vraiment, mais par rapport aux blagues qu'il faisait, tu vois, soit il riait avant d'avoir fini la blague et d'une manière un peu, j'ai pas envie de dire lourde, mais maladroite, tu vois. Et du coup, ça te met toi mal à l'aise, tu vois. Et il avait des trucs comme ça, et quand t'es au collège et que c'est très agressif, tu vois, les comportements sociaux. Du coup, il avait pas beaucoup de potes et tout. Et en plus de vivre du coup cet événement avec toute la cour qui se moquait de lui, je me suis dit, mais waouh! En fait, pour moi, le collège est à l'éducation ce que Twitter est aux réseaux sociaux. Franchement, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas loin. Hein. Le collège, c'est vraiment méchant. C'est incroyable. Ouais. Hein. C'est vraiment méchant. Mais le pire, c'est que dans ce genre de moment, tu sais pas forcément comment réagir parce que. Il n'y a personne qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Bah exactement. Donc, t'es un peu perdu, mais... C'est pour ça que... Si maintenant, ça arrivait avec le recul, bah je serais intervenue, tu vois, par exemple, dans ta situation. Mais à l'époque, j'aurais été un peu comme toi, genre... Bah oui, exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça qui se passent. C'est que comme personne ne sait vraiment... Parce que, tu sais, genre, le collège, c'est cette période bâtard où... Bah, tu quittes l'enfance et tu comprends qu'il va falloir grandir, tu vois. Ouais, exactement. Donc, du coup, t'es en quête de repères, t'essayes de grappiller à droite, à gauche. Si t'as pas de père, bah, du coup, tu te demandes, genre, est-ce que c'est normal cette situation? Tu vois, en fait, comme t'es largué parce qu'on a tous une histoire différente et que c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué d'être au clair avec soi-même. Alors, avec 400 personnes, quand t'es dans un collège, c'est un bordel. C'est pour ça qu'on n'en parle pas à 8 milliards de personnes. Et les gens veulent que les guerres s'arrêtent et tout, ça n'arrivera jamais. Il va falloir vous mettre ça dans la tête, malheureusement, c'est impossible. Et c'est fou, mais genre ça arrive quotidiennement, des trucs comme ça, c'est malheureux. Mmh. Et le problème, c'est qu'il y a aussi ce truc d'éducation à faire avec les parents. Et malheureusement, tu peux pas mettre... Le problème, c'est que les parents, dès que tu leur parles d'éducation... Ils le prennent mal tout de suite. Ouais, je sais comment éduquer mon gosse quand même, faites votre travail et tout. Oui, tu vois. Exactement. Et c'est compliqué si les gens sont pas ouverts d'esprit et font pas des efforts pour les autres. Beaucoup sont sur la défensive, ouais. Après, les gens se remettent pas en question. En fait. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est très français aussi ça. Hein. Oui. Le fait d'être imperméable à toutes les critiques et tout, c'est compliqué. Hein. Bref, allez, quittons un petit peu tous ces souvenirs négatifs et parlons des trucs qui nous ont toujours fait marrer à la rentrée. Et j'ai envie de parler d'un truc, vous avez forcément vécu, mais ce moment à la rentrée où on va dans la classe pour la première fois et qu'il faut choisir une place. Tu sais, tu vois une personne, là tu scrutes vite fait la classe et tu dis ok, il faut que je trouve quelqu'un qui a l'air sympa, avec qui je pourrais m'entendre. Et c'est totalement aléatoire, genre c'est un coup de poker, tu ne peux pas savoir. Ça se trouve cette personne, 3 jours après tu lui parleras plus jamais, ça va devenir ton pire ennemi, tu vois. Ouais. Mais ce jour-là tu dois faire un choix. C'est une roulette russe en fait. Grow some balls, il faut t'asseoir mon pote. Déjà pour moi, c'est jamais devant. Alors, j'aime pas m'asseoir devant, j'aime bien... Si t'es derrière, tu peux un peu avoir un aperçu. Ouais, parce que j'aime bien observer en général, donc voilà. T'es une stalkeuse, Lisa la stalkeuse. Oui. Ouais. Bah oui. Ou alors une fouteuse de troubles, vu qu'elle va au fond de la classe. Pour moi, c'est une cancre. Franchement, comme non. Toi. Toi, t'es vraiment, un moi, j'étais à une très... crème. Ouais, ah non, j'ai encore. Ouais, bah. Attendez, mais c'est le podcast des crèmes ou quoi, là? Ouais, il y a que toi qui est un démon, en fait, vivant. Attends, un plat avec 3 crèmes, c'est quoi, en fait? C'est rien. Faut bien que je sois autre chose. Un fondant au chocolat. Bah, ce mec, c'est vraiment un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. Tu es comme un fondant au chocolat, Quentin. C'est beau quand même. Franchement, si une femme me dit ça un jour, il y a moyen que je la marie dans les 5 minutes. T'as de la chance de pas être une femme. Tu serais déjà à la mairie. Et du coup, ouais, ces amitiés, on va dire, passagères, éphémères du début de l'année où tu sais, t'es là, t'essayes de trouver des atouts. Et parfois, il n'y a rien. Et t'essayes quand même de parler avec la personne et tout. Ouais, alors machin. Et c'est le malaise. Alors, t'as vu des films Les vacances, c'était comment? Ouais, c'est vraiment trop. Surtout quand t'es... Parce que quand t'es au lycée, je trouve, ça va. Tu commences à... T'es un petit peu rodé sur les codes sociaux, tu vois, donc ça va. Moi, je... Ouais, vas-y, fini, pardon. Mais effectivement, quand t'es dans... En fait, quand t'es en maternelle primaire, tu t'en bats les couilles parce que rien n'a de gravité, en fait. Pour toi, la vie, c'est... Ah, je vais manger des cornflakes jusqu'à la fin de mes jours. Et je vais jouer. Et en regardant Bob l'éponge. Et un jour, il y a quelqu'un qui dit... Ah non, dans 10 ans, il faut payer des factures, en fait. Quoi? C'est quoi une facture? Ah. Et là, c'est foutu, en fait. Et effectivement, au collège, t'as ce truc de... genre, comme t'es mal à l'aise socialement... Enfin, moi, j'étais mal à l'aise socialement parce que j'ai pas eu forcément d'exemple sur... Hey, mec, tu vois, les gens, il faut raconter des blagues, des trucs comme ça, tu vois. Les gens, j'étais trop mal à l'aise. J'étais en mode... J'imagine trop pas c'était, du tout c'était comme ça. Si long, c'était si long. Mais je pense qu'on a tous vécu ça, tu vois. Ouais, ouais. Moi, quand venait ce moment-là de choisir une place, c'était déjà, j'éliminais 50% de la classe juste par rapport au fait que c'était des filles et que j'avais trop peur. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, je me disais, ok, il faut que je trouve un pote à qui je vais rester. Et j'avais l'impression que si tu le trouvais pas tout de suite, le pote... C'était mort. C'est ça. Du coup, je me suis dit, il faut que je joue carte sur table direct. Que j'aille à côté d'un mec et qu'on soit pote jusqu'à la fin de nos jours. Bah, ça n'a pas fonctionné. Si, avec Greg, non? Si, ouais, mais ça, je le connais depuis la maternelle, Greg. Ouais. Ok. Axel depuis le CP. Oui, c'est vrai. En plus, t'en as déjà parlé dans le podcast, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ouais, franchement, j'ai des potes que j'ai gardés depuis très longtemps. Il y a juste mes potes de lycée que j'aime beaucoup, mais que je ne vois plus, malheureusement. C'est dommage. C'est la vie, en fait. C'est maintenant pour les contacter et les exact. Voir. D'ailleurs, il y en a un qui m'a contacté pour du web design récemment. Oh, c'est bien. Ouais. C'est fou, ça. Mais j'ai refusé parce qu'il fallait développer aussi. Et moi, j'aime pas la programmation. C'était pour un cabinet comptable. Mais du coup, j'ai filé l'info à un autre pote à moi. Oh ah. Et on fait tourner. Et on fait croquer, hein. Fais croquer les poteaux. Faites croquer. Allez, on fait croquer. Mais par contre, ils me rappelleront peut-être pour des cartes de visite et tout. Eh mec, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le travail, l'argent, la passion, c'est tout ce qui compte, mon pote. Exactement. Enfin, l'argent. L'argent, surtout. L'argent. La passion, surtout. Non, l'argent. Booba, est-ce qu'on l'argent. Est-ce qu'on peut exposer nos arguments? L'argent. Alors, l'argent, ouais. La passion. Non, bien sûr, faut suivre sa passion, mais essayez. Il faut manger aussi. Et voilà, faire de l'argent. Et franchement, si vous pouvez faire votre passion et toucher un chèque d'un million, mais go, en fait, il n'y a pas de... Donc voilà. Moi, ma passion, c'est de faire des reprises de chansons sur TikTok. Mais tu rigoles, mais il y a des gens qui se font énormément d'argent avec ça. Hein. Ah ouais? Bah, c'est mais comme Vine. Mec, il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à mais Vine. Mais je comprenais pas comment les gens gagnaient de l'argent sur Vine. Placement produit. Ah oui, c'est vrai. Finalement, à un moment, il y avait tous les Vineurs américains avec des Segway tout le temps. C'était incroyable. Récemment, enfin, il y a 3 ans, il y a un YouTuber qui fait des critiques ciné qui a dit en vidéo que, je crois, Warner lui avait proposé genre quasiment 20 000 euros juste pour qu'il parle de... Je crois que c'était le film Les Tortues Ninja là, avec Megan Fox, je crois. Ouais, je crois c'est ça. Et le gars, il lui avait proposé une OP à 20 000 euros pour qu'il parle du film. Et quand tu vois ça, c'est-à-dire une vidéo... alors, je connais pas les clauses du contrat, tu vois, ça se trouve, il fallait qu'elle dure 20 minutes, mais même, 20, ça fait quand même... Non, 20 000 euros, euros la minute. Ouais. Tu vois. J'étais là en mode... Non, on le rappelle, hein, moins de 5,5 en maths. T'avais des chiffres autour de toi, là, des tableaux noirs. Ouais, comme le gif du gars qui fait comme ça avec toutes les équations, là. Ah putain, bref. Ah là là. Sinon, un autre bon souvenir de rentrée, Lisa? Le souvenir où au lycée, tu retrouves les gens de première, du coup. T'as déjà vu, c'est la même classe et tout. Tu retrouves tes potes, ça c'est cool. Ouais, j'avoue, quand t'as noué une amitié solide avec les gens. Et que pour une raison ou une autre, tu les vois pas l'été, t'as hâte d'être à la rentrée pour ça. Les revoir. Mais t'as aussi peur de pas être avec eux dans la classe. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, putain, quand on checkait les listes pour savoir machin et tout. Oh putain, je suis avec toi. Et là, tu vois ton pote qui est dans une autre classe, un peu solo et tout, t'es là. Aïe, aïe, aïe. Il te regarde comme ça. Et c'est au ralenti en noir et blanc et tu fais. My man. I got you, my man. My bro. Tu sais, même sans rien vous dire, vous savez que... Et c'est cool aussi quand il y a des gens qui intègrent ta classe, genre en début d'année ou en milieu d'année. Du sang frais. Ouais, parce que du coup, tu fais connaissance avec la personne et tout. T'essayes de l'intégrer, c'est cool. Grave. Voilà. Grave, grave, grave. Film d'auteur d'ailleurs français sur la fac de médecine, je crois, il y a quelques années, qui a remporté pas mal de choses. Assez sympa. Une grosse prise de risque, ça fait plaisir pour le cinéma français en France. Voilà. Je suis un peu critique ciné aussi. Bienvenue dans la bonne critique ciné. Oh, la bonne bobinette. La bonne bobinette. Moi, je prends. Hein. Merci. Je fais un logo. Ça fait... Attends, mais tu es passionné. Oui, mais par contre, faut me payer. Ce qui est normal. Évidemment, tout travail mérite salaire. On le répète, faites-vous payer. Comment ça, 50 centimes la photo, gratuit, jamais de la vie. Comme les gens qui font des bannières YouTube ou des vignettes YouTube pour 1 euro, mais ouais. Non seulement... En fait, vous avez l'impression que vous allez toucher de l'argent, mais non, vous allez casser le marché, vous serez pas respecté, parce que qui fait un travail pour 1 euro? Vous savez ce que c'est 1 euro? Enfin, même si tu... À part si tu la plies à la rigueur en 30 secondes, la vignette, tu vois. Si c'est un preset que tu appliques, bon, pourquoi pas, genre, voilà. Mais si tu passes, j'en sais rien, une heure dessus, 1 euro l'heure, mais vous êtes malade, c'est... Investissez votre heure autrement, c'est... Vraiment. Mais plus dangereux que ça, ça détruit le marché. C'est-à-dire que vous allez détruire le travail d'autres gens. Donc pensez pas qu'à vous. Genre, c'est rendre service à personne de faire du travail... Attends, mais c'est... Et un podcast dénonciateur, là. N'oubliez pas de créditer les artistes. Oui, oui. Très important. Voilà. On mentionne. C'est la loi, en plus. C'est obligatoire. C'est voilà. Si vous faites ça, vous êtes un criminel, comme quelqu'un qui aurait tué. D'accord ? Vous êtes un criminel si vous ne faites pas ça. J'aurais pas dit mieux. Ouais. Je pense qu'entre un nazi et un artiste qui crédite pas, c'est la même chose. Même sentence, la mort. La mort. La mort. Ça, c'est un peu trash quand même. C'est une référence aux Inconnus. Donc. La mort. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on peut se dire adieu. On peut se dire au revoir. On peut se dire adieu. Vous avez tous ramené votre pistolet. Non, mais j'aimerais bien continuer encore un tout petit peu, déjà, parce que j'ai arrêté un petit peu plus tôt les cuts cette fois. Ouais, vraiment. Ah, okay. Au lieu de faire 25 minutes, j'ai fait à peu près 20 minutes à chaque fois, donc on est sur du 40 minutes. J'aimerais qu'on raconte encore une petite anecdote vite fait de rentrée. Ok. Je pense que si on trouve un truc marrant, parce que surtout, toi, t'as dit que t'en avais. Alors, c'est encore des trucs comme le téléphone ou t'as un truc... Peut-être un souvenir vraiment marrant qui te... Un souvenir vraiment marrant... Est-ce que ça vous faisait pas trop flipper quand c'était le jour de la rentrée et qu'il y avait la CPE ou la directrice qui rentrait dans la classe et qui genre parlait un peu bas à la prof et tout? Genre il y avait... Moi j'ai eu plusieurs fois ce moment-là et on était tous là en mode... Qui est un espion parmi nous? Moi j'ai eu peur le jour où elle m'a regardé et elle a fait... Attends, mais c'est pas normal ça. Elle devrait être en prison. Ouais, il y a. T'inquiète, on s'en est sorti, frérot. On a monté une équipe, c'est de quoi je parle. Waouh. Bien joué. Et on t'a retrouvé. Hein. Janine. Question, vrai nom de famille. Janine d'ailleurs. Est-ce que c'est possible après Janine, genre elle s'appellerait, admettons, Joseline. Non, elle. Joseline Janine. Gisèle Janine, c'est bizarre. Franchement, tout est possible. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'appellent... Putain, Nichon. Le maire de Enghien-les-Bains s'appelle Philippe Sueur. Voilà. J'ai envie de placer cette anecdote. C'est pas incroyable? Philippe Sueur. Philippe Sueur. Le maire de Enghien en sueur. Le maire d'Enghien-les-Bains en sueur. Mais d'ailleurs, c'est comme le jour on a vu un truc, une vidéo promotionnelle pour je sais plus quelle entreprise, mais il y avait un gars qui s'appelait Vincent Soupe. Mais qui sait, peut-être qu'il aime bien les soupes, hein. Non, mais, genre c'est son nom de famille, tu vois, c'est incroyable. Vincent Soupe et Philippe Sueur. Mais il a sueur. Pas choisi. Vincent Soupe, Philippe Sueur, pour moi c'est un nouveau plat culinaire que seuls les plus audacieux ont. Philippe Sueur, Vincent Soupe. Tu sais, on dirait des générateurs de noms de comédie, tu vois. Genre. Michel Vincent Arbracha, Soupe, truc, Vincent Soupe, c'est un truc de malade. Philippe Sueur, ça c'est ouf quand même, Philippe Sueur. Gros big up au maire d'Enghien-les-Bains, forcément. Ouais. On est ensemble. Ouais. Mais on parlait de quoi déjà? De la directrice. De toute façon, La Bonne Franquette, c'est deux choses. Alors, de un, c'est le meilleur podcast. Et deuxièmement, c'est n'importe quoi. Donc, restez avec nous, on se marre. C'est pour ça que... D'ailleurs, j'en profite pour faire un shout-out à tout le monde et un gros big-up à tout le monde parce qu'on a énormément de critiques positives. Genre, à chaque fois qu'un épisode sort, je reçois vraiment plein de messages de gens qui ont kiffé et qui trouvent que c'est trop marrant et tout. Et encore plus surprenant, il y a des gens qui m'envoient des messages alors que... genre, j'aurais jamais pensé qu'ils écouteraient un format comme ça. Déjà parce que c'est long. Ensuite, parce que le podcast, bon, ça revient un petit peu en France, mais c'est pas encore trop, trop popularisé. Et surtout, c'est un humour qu'il faut aimer. Voilà, on est très dans l'absurde, second degré, avec un ascendant beauf, parce que ça nous fait marrer aussi. Mais genre, il y a des gars qui sont dans le rap, mais un peu dans le rap genre gangsta, qui me disent « Franchement, je suis la bonne franquette, c'est lourd et tout. » Wow. Et je trouve ça trop stylé, genre. Ça fait trop plaisir de voir que les barrières tombent et que venez, genre on fait tous ensemble des enfants en fait. Quoi? Non. Attends. Bon, j'aurais essayé. je pense que... Toi, t'avais plus d'anecdotes? Un petit truc marrant là, vite fait. Un petit truc marrant. Fais voir un petit truc. Même une grimace ou quelque chose. Hein. Attends, mais c'est ta vraie tête, ça? Bah, parce que je suis déprimé de base, donc pour moi, ça, c'est une grimace. Oh non! Oh non! Oh non! He's back at it again. With the white bands. Non, un truc marrant sur la rentrée. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Il n'y avait pas. Parler des fournitures ou quelque chose. Non. Bon, alors, un truc. Alors, ça parle de déception, comme la vie, qui est une déception continuelle. souvent la bonne franquette à la fin, je fais toujours un truc dépressif, c'est incroyable. Je suis désolé, les déprimés, on est ensemble. Attends, mais t'as pas un t-shirt avec une tête de mort dessus? Non, noir. T'as vu, je suis tout en noir. Tu t'attends à quoi? Mais les tatouages, la montre, tout. Genre, je suis un trou noir. Attends, c'est bizarre. En vrai, un truc qui m'a toujours profondément déçu à chaque rentrée, c'est la cantine. À chaque fois, je me suis dit, oh, cette année, ça va être trop bien. C'était toujours Chier. Ça, c'est horrible. Voilà, c'est donc, horrible. Pas du tout de shout-out ni de big-up à toutes les cantines de France, c'est nul à chier. Donc, et les cantinières qui sont quand même sympas et qui te donnent du rab. Alors ça, par contre, gros big-up aux cantinières. Moi, j'avais franchement des cantinières trop gentilles. Ouais, c'était dégueulasse, aussi. Mais on avait du rab, donc je me suis dit, bon... En plus, tous les jours... Nous, on mangeait toujours du pain. C'est vrai? Ouais, on avait presque rien, vraiment. Du coup, on pouvait prendre deux après, tranches bon, de pain. Après, bon, il faut dire que voilà. T'as quand même grandi dans une école qui est en plein milieu du Sahara aussi, donc oui. Voilà, on peut pas tout avoir. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je faisais des grands sourires aux cantinières, elles m'adoraient. Mais qui te détesterait? Oh, salaud. Moi, ça, gueule d'ange. C'était juste pour avoir du rab. Ah bon? Ça veut dire que t'es pas gentil, en vrai? Non. Ce micro c'était... bleu serait un mensonge? Non. Bon, bref, allez. Trêve de bavardage, trêve d'âge. Ah là, ça va, vous? Trêve de frivolité. C'était la bonne franquette sur la rentrée. Un dernier mot, Lisa. Merci. Ça fait plaisir, merci. C'est vrai, on le dit jamais assez. Merci, bonjour aussi. C'est important de dire merci et bonjour. Oui, on n'est pas dans une c'est société très sauvage. Important. Surtout, pensez aux serveurs. On ne parle pas aux robots, des robots. Pensez aux serveurs et aux caissiers. C'est parmi les métiers les plus ingrats du monde. Donc, soyez humains avec ces gens-là, s'il vous plaît, je vous jure. Vincent, un dernier mot? Tableau. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a un tableau là-bas. Magnifique tableau. Je suis contente d'avoir été avec vous. C'est vrai. De vous connaître. Ça fait merci. Plaisir. Oh, ça, c'est on mieux. C'est... Vas-y, continue. Allez, dis-nous tout, un peu. En fait, là. Ouais. Ah, c'est... Bon, bah, c'est... Non, on allait être amis et tout. Non, même pas. Voilà, bah écoute, mon dernier tableau. Mon dernier mot, ce sera épicurien. La vie est courte, profitez-en et faites-vous plaisir. Il dit ça parce que. Je suis totalement d'accord avec toi. Exact. Il dit ça parce qu'il y a Épicure juste derrière la caméra. Épicure lui-même. Qui est là. Oh, Aristote, ça va ou quoi, mec? Allez. Hé, Platon. Yes. Tablement 5, Platon. Je sais que ça va finir en extrait cette connerie. C'est sûr, c'est sûr. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao.